22 avril 2011. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Vous êtes habitué, vous, par un travail d'équipe, donc... Moi, je suis habitué plutôt que ce soit la musique, pardon, que ce soit la musique ou les compagnies, d'être entouré d'acteurs, oui, bien sûr. Je vous ai vu... Je me vois très mal, par exemple, même dans ma pièce là, que je joue, Je me vois très mal faire ce monologue tout seul, prendre le train tout seul. Là, au moins, on rigole avec le musicien, on se marre. C'est moins long. Puis c'est un travail plus convivial que de se retrouver seul. Jouer seul dans les villes, à l'hôtel, dans le train, tout ça, c'est une galère totale. Que là, on est à deux, on rigole. Oui, c'est ça. C'est... Et puis sur scène, c'est quand même plus riche aussi. Ouais. Bah bon, je ne veux pas dire que c'est one-man show. Moi, je ne suis pas trop ma tasse de thé, les one-man show. OK. À part quelques-uns. Ben, Coluche a commencé avec plusieurs, c'est vrai, dans l'histoire. Avec quelques-uns, comme, effectivement, Coluche, qui était extraordinaire, et surtout, ma fan, enfin, dont j'étais fan, elle est toujours là, c'est Zouk. Zouk, oui. Qui était extraordinaire. Et aujourd'hui, bon, les gens qui font du stand-up vont plus vers le quotidien, vers des choses un peu politiques, un peu, c'est presque un peu comme les chansonniers d'antan, quoi. Alors ils oscillent entre chansonniers et imitateurs et tout. Et bon, ils font un peu n'importe quoi. J'aime bien Laurent Gérard, il y a des gens que j'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup Muriel Robin aussi. Ouais. Palmade, mais il y a des gens, Sylvie Joly. Mais en même temps, bon, je préfère aller au théâtre voir des pièces avec des acteurs différents. Il y a un humoriste québécois qui disait beaucoup d'humour, beaucoup d'humoriste, mais c'est peu d'humour. Ouais, ça, mais ça c'est vrai. Et c'est un peu vrai aussi. Claude Meunier, un humoriste à la Ionesco, oui. Une vision très, très, très particulière. Bah, Raymond Devos. Ah oui, voilà, Raymond voilà. Devos, c'est Raymond Devos. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils ne l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus... Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je ne sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. c'est bien. C'est... Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve, qu'ils partent avec moi. On est ailleurs, on oublie tout. Et on nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire. Tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique. Il faut que ça détruise tout et que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. La musique, la musique, la musique. Et les amis. Et rigoler, rigoler. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Antonaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Rénal, bonjour. Bon. Réla. Il n'est pas encore arrivé. Mais non, Mme Thibaudeau, vous savez, il n'arrive jamais à l'heure. Comment ça, il n'arrive pas à l'heure? C'est un artiste. C'est qui? Un artiste. Un artiste. Hey, est-ce que c'est lui qui vous a dit de dire ça, là? Ben, c'est écrit, hein, sous son contrat. Ben oui, mais en dessous du contrat, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Ah, ben, c'est, il m'a fait croire, là. C'est, je voyais un mirage. Ben, c'est ça. Il vous a hypnotisé, il va vous embarquer dans sa secte. Ah non, je suis déjà membre de trois sectes. De quelle sorte de... Ben, c'est des sectes de l'errance rénaldienne, le tout-puissant Rénald et l'impuissant, ce n'est pas Rénald. Ah, mon doux Seigneur, c'est attirant ça, Mme Thibaudeau. Ben là, j'ai jamais voulu dire à Georgette que j'étais membre de six de ces regroupements. Six regroupements, des mondes. Comment il en a fait, lui? C'est un monstre, OK. Alors, Rénal, de ta réputation... Et qui? J'ai dit ta réputation. Oh, d'accord. Ta réputation n'est plus à défaire. Ah, effectivement. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, ni à défaire. Cette répugnance, ce profil que l'on cherche encore dans les dictionnaires, il faut dire qu'ils ne se sont pas encore penchés sur son cas. Non, mais ils ont eu voyons, allô? Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Oui, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu un hernie discale. Un mal de dos. Un mal de dos? Ben oui, ils se sont penchés sur ça. Ah, bon, Dieu, Seigneur, c'est fait. Jean-Marc, c'est de l'humour. Ah, bon, mieux vaut faire. J'espère qu'il fait mieux l'amour que l'humour, lui. Ah, bon, hey, ça, là, ça reste à voir. Là. Alors donc, Rénald, ta réputation n'est plus à défaire. Parce qu'on sait, hein, auprès de tous ces messieurs, même le président, il n'est pas trop catholique, et les voluptés, hein, les dames voluptées, celles qui s'envolent fring, comme les anges... Et mon Dieu, il n'y a pas grand ange ici. Il n'y a pas grand ange. Non, il y a des granges. Le mur derrière la grange n'a pas besoin d'être peinturé cette année. À chaque printemps, je me demande si on compte manger de l'arrache en rage. De la quoi? De l'arrache? De l'arrache. Ah, mon Dieu, hein, l'arrache. C'est quoi de l'arrache? On va l'arracher, ce mot-là, puis on va l'expliquer. Aïe, d'or! Tu l'avais dans le fond, mais... Ah, je l'avais, oui, entre la garlotte et le garlot. Ah, mais le garlot, tu connais ça? Ah, oui, la garlotte aussi. Ça, là, la garlotte, là, c'est en hiver. Le garlot, c'est en été. Parce que la garlotte, là, il regarde là, lui, Amando, c'est quoi ça? Ben, c'est la garlotte. Ah, oh, c'est répugnant. Effectivement. plus laid que ça, là, tu t'appelles Réal. Ah, bon, ben ouais, mais c'est quand même... Il y en a un qui a dit que la beauté... Non, la laideur, il va la moffer. Ben, on peut pas la moffer, on l'a pas encore dit. Non, mais t'allais le dire... Comment ça, ça s'est passé de même? Ben, ça s'est pas passé de même, on l'a pas raconté, Madame Chose, Monsieur Chose. Être intransigeant et sans sexe. Tout le monde est sans sexe ici. Sans sexe, sans sac ici. On s'en balance éperdument. Alors, la garlotte, qu'est-ce qu'il voulait dire à propos de la garlotte, non? Je m'en rappelle plus. Faudrait appeler la... On n'a pas de coulisses ici. Ah, c'est la garlotte, hein, maintenant. Écrivez-moi à Rénal Québec en commercial@hotmail.com. Il commencera pas ça déjà au début. Non, non, non, non. La garlotte, la garlot, il fait chaud. Ah oui, la garlotte, la garlot, la garlot. OK, la garlotte, la garlotte, là. C'est... est-ce que c'est l'hiver, la garlotte? Mais non, c'est le garlot, l'hiver. Ah oui, la garlot, parce qu'il fait chaud, hein. Ben là, on veut pas avoir la givre au bord du nez. Ben voyons donc, toi t'as de la givre. Ah, régulièrement. Ben moi, c'est pas de la givre, ça, c'est un manque d'hygiène. Un manque d'hygiène. Ben oui, regarde-moi ça, là. 3 semaines sans éponger avec un petit papier mouchoir. Et voici ce qu'il arrive. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Ah, mort du Seigneur, c'est pas très beau, hein. Non. C'est de lèvres abstraites. Non, c'est des lèvres gercées. Non, mais abstraites aussi. Ben voyons donc, des lèvres abstraites, on n'a jamais entendu ça. Ben c'est maintenant. C'est une première. Il faut innover dans le milieu. Excuse-moi, là. Mais quel milieu? Ben le milieu de la bizarrerie. Hein? Le milieu de la... Comment t'appelles ça? Donc la attendez, il se dit en grattant la... quelque chose qui est UNESCO, là. Extravagant, non. Il rentre dans les mâles. Je rentre pas, moi, là. J'essaie de sortir. Absurde! Oh, mon Dieu, c'est de l'absurdité. Ah, oh, les gens aiment pas ça, là. Ce qu'ils veulent, eux autres, là, c'est connaître l'histoire, en savoir davantage. Pas leur creuser les manèges en disant « Hey! Hey! Veux-tu mettre le cerveau? Hey! Merci. Hey, garlotte! Oh, » on n'a pas expliqué toute la garlotte et le garlot. Alors, le garlot, c'est quand il fait chaud, et la garlotte, c'est quand on il fait froid, donc on grelotte, garlotte, grilotte, garlotte, il fait chaud, là, chaud. Allez, monsieur. Alors, donc, ça va bien, là. Hey, qu'est-ce que je voulais dire? Non, je sais pas. Hey! Qu'est-ce que tu fais avec cette bande de figurants? Ben là, ils n'arriveront jamais à rien. Tu as beaucoup trop de talent. Merci. Je t'engage dans ma pièce, à cacher égal au mien. Tu seras une star magnifique, adulée, un symbole. Qu'en penses-tu? Mais qu'en penses-tu? Mais ça s'est passé de même. Je sais pas, là. Monsieur, vous vous appelez monsieur? En dehors, il veut plus parler. Monsieur, comment? Monsieur Porchil, ben merci, mais... Qu'est-ce que tu fais avec cette bande de figurants? Ben, ils n'arriveront jamais à rien. Ben ça, à rien, depuis quand même quelques années, on essaie de trouver un chemin, mais il est extrêmement étrange et zigzagant. Et là, j'en tiens responsable de mon traceur de chemin. Oh, traceur de break. Pas traceur de break, de chemin. De chemin. Ben, de way. And now, Ian is near, baby. And so I face the final curtain. Oh, yeah. My friend, I live in you. C'est de l'anglais, oui. And I lift again, off we jump sudden, oh Frank. I lay a little bit full into the region into my way. And more, baby, and so my face. Beaucoup trop de talent. Oui. Je t'engage dans ma pièce, à cacher égal au mien. Tu seras une star, magnifique, adulée, un symbole. Qu'en penses-tu? Ben là, qu'en penses-tu? Je suis déjà un sexe symbole un peu partout dans toutes les communautés, les communautaires, les radios et les... Non, j'irai pas plus loin, mais les radios, très communautaires. Et peut-être... un jour, qui sait, la TV communautaire m'appellera pour voir comment s'effectue cette émission-là. Et on pourrait faire une interrelation entre la TV et la radio. Hey, ça, c'est pas fou. Non, non, la TV. On filme l'émission et quelques jours après, on la diffuse à la radio communautaire. Télé communautaire, radio communautaire, communauté, communauté. Ah, bon. T'es complètement gercé. Oui, au niveau de la lèvre supérieure. Mais ça, ça s'est passé de même. Ben, ça s'est passé de même parce que je me suis mordu. Moi, je suis un gars très sensible. Et j'ai regardé le film avec M. Dreyfus. Avez-vous vu regarder le grand... pas Jean-Claude, le grand Jean-Claude. Ah, quel homme. Ah, un homme remarquable, très remarquable. Remarquable et remarqué. Il faut que je vous explique comment... Ah, you know, comment je l'ai... La table bouge. Ah non, on est en communication avec l'Obolaz. L'Obolaz m'entend tous. La table bouge tout seul. Oh mon Dieu, c'est nerveux. Non, c'est pas nerveux. Et à toutes les contes et les contes qui croyaient que les tables bougent, alléluia. Alléluia. Monsieur le Président, messieurs les patrons, là, les gens comprendront pas, là, qui sont à l'extérieur du réseau québécois, là, comment ça, la table bouge? Faut que je vous explique, il y a un programme, un beau programme, une émission de télé... qui est diffusé dans un réseau très, très, très approximatif et qui diffuse une sorte d'émission ésotérico-fantosamatatique. Et puis, ils font venir des pseudo-fantômes, hein? Quand même, il y a eu le fantôme de Muriel Lahoire. Pas Muriel Lahoire, la grande Lahoire. Ah, oh, mon Dieu, il fallait pas Lahoire. Non, il fallait... Non, heureusement que c'était un fantôme, parce que Lahoire, c'est avoir peur. C'est comme toi, hein, c'est la même chose. Mais la laideur à quelque chose de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. Oh, monsieur! Alors donc, là, c'est ça, on fait venir des... On fait venir, en fait, c'est presque pornographique, là. On fait venir des fantômes. Ah, oh, mon... Ça vient des fantômes. Ça vient régulièrement. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont en dessous des draps, hein, pour pas que ça gicle partout. Ah, ben, ça fait peur. Ça fait très peur. Et puis, là, avec des chaînes, hein, ils sont enchaînés. Puis là, là, ils font bouger des tables, bouger des madames, pleurer des madames, pleurer des messieurs. Les messieurs, ça tremblote la garlotte. Ah, mon Dieu! Messieurs, puis là, il y a des des pauvres... Les jolis, ils sont merveilleux, on les embrasse. Messieurs le Président, messieurs les potes, ils nous écoutent pas. L'évolution! Eh mon Dieu, restons cons. Con, sur les moments. Monsieur le Président, messieurs les potes trop catholiques, Madame les voluptés, en parlant de catholiques, fantômes catholiques, hein? Mort catholique. Ben oui, mais quand tu meurs, là, quand dans la religion catholique, ah oui, dans la religion Marie-Mamoute, la religion Marie-Mamoute, j'aime bien que tu l'exposes parce que c'est très peu étudié dans nos universités contemporaines. C'est parce que le Manoumanouk s'oublie, hein, au fil des années, au fil du temps, on perd le fil. Ah, mon Dieu, est-il conducteur? Il est très conducteur. Il en dévoile des choses exceptionnelles, notamment que la mort n'existe pas. Oh! Nous vivons toujours. Même après quoi? Ben, même après la fin. Oh oui. Ça, là, c'est comme un film. Et je reviens toujours à mon auteur, un de mes réalisateurs préférés. J'en ai beaucoup, là, mais un. Claude Sautet. Claude Sautet. À la fin de tous ses récits, il en a fait très peu, 9 maximum. Tous ces personnages vivent à l'extérieur de la surface écranique. On les voit dans la rue, on les voit dans les restaurants, on les voit là-bas, on les voit ici. Ils font partie de notre existence. Oh, bon, c'est des fantômes. Oh! Messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Là, je me demande, est-ce que je dois enlever le petit recouvrement de micro? Je sais pas. Est-ce qu'on peut vérifier en direct, là? Ah, bon, c'est pas le tel. Bon, voilà. Attendez. 1, 2. Avec le petit truc. 1, 2. 1, 2. Ah, on va mettre le petit, parce que ça guide, hein? C'est comme des rouges. Excusez-nous, là, c'est comme des rouges. On voit le micro lorsqu'on regarde sur notre écran catholique, là. Allez regarder sur nos vidéos, parce qu'on en fait des vidéos en direct. Ben, c'est pas vraiment... Oui, c'est en direct de l'émission. Ah, c'est vrai. Regarde pas la caméra, tu vas faire craquer. Elle aussi, elle craque pour moi. Ah, ouais. Admettons que c'est ça. Bon, alors donc... À la prochaine représentation, oui. Je fais quelques petits changements de texte. monsieur, parce que là, premièrement, là, vous êtes même pas invité, puis vous ressemblez étrangement à un certain lapin, puis moi, les lapins, à part avec la carotte, là, dans le... et puis dans le... j'aime pas bien ça. Et puis, à la prochaine représentation, ouais. Je fais quelques petits changements de texte. Il n'y a pas de texte à reprendre. Là. Premièrement, là, monsieur Bugs Bunnies, c'est de l'improvisation. Lui, il n'a rien compris. On voit bien que c'est une BD, hein? Il est bien BD à son imaginaire, là. Monsieur est-ce qu'on peut vous appeler Bra? Non, lui, il regarde ça, il est limité, il écoute bien. Ne regardez pas, écoutez. Écoute pas ça, ce soir il fait froid, mon cœur est si chaud et ta main si tiède. Est-ce un grand succès? N'écoute pas ça. À la prochaine représentation, ouais. Je fais quelques petits changements de texte. Premièrement, Guignol, il n'y a pas de texte. C'est de l'improvisation, hein. Et de deux, qui t'a dit que les lapins étaient ennemis à cette émission? À part, cuit et présenté avec une bonne bouteille de rouge, hein. Et truie, nous préférons les cochons aux lapins. Oh, c'est très cochon. Ah non, c'est que... Non, surtout... Surtout Peggy. Oh, pas la cochonne. La cochonne. On aime bien les cochonnes. Toutes les belles cochonnes comme Peggy. Ah, oh, mon Dieu. Mais moi, j'en connais juste une cochonne. Hey, on est en communication. C'est merveilleux. Comment ça, ça s'est passé de même? Ben là, on sait pas, toi, comment ça va. Tu me fais penser aux Québécois moyens qui commencent à travailler le lundi matin. Ça va, toi? Comment ça s'est passé? Comment ça, ça s'est passé de même? Bon, je te préfère comme ça, t'es plus... J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon, c'est con. C'est très con. Moi, j'ai dialogué avec un jambon. À deux pattes, il marchait. Il s'en allait vers une station-service, là, mais j'ai le... Hey, la chose, là. Là, il m'a dit... Oh, j'ai dit, il veut communiquer, lui, là. Mais là, il me prend peut-être pour un extraterrestre. Il veut parler en extraterrestre. Je dis, hey, premièrement, tu peux pas me parler en extraterrestre parce que je connais toutes les langues et tu manipules très mal l'extraterrestre. Fie-toi sur moi, fie-toi sur nous. Là, il regarde, il dit, comment ça, nous, des ailes? J'ai dit, comment ça? Voulez-vous répéter? Comment ça, vous, nous, des ailes? Eh, hey, monsieur. Je suis seul. Ben, t'es seul. Est-ce que tu me vois? Je te vois. Vois-tu plusieurs êtres comme moi? Plusieurs êtres comme moi? Oui, j'en vois. Bon. Comment tu vois deux doigts lorsque je présente un doigt? Lorsque tu présentes un doigt, je vois trois doigts. Bon. Et lorsque je présente trois doigts? Je n'ai pas le droit de le dire. Bon, ben, dis-le pas. L'absurde avant... on est devant un con... Considérons qu'il n'est pas présent et qu'il ne fait pas partie du genre humain comme 95% de la population. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre... 95, c'est quand même, disons, 97. Et 3%, bonjour mes amis, comment ça va? Merci d'écouter CKRL et Errance Rénaldienne. Nous vous embrassons et restez des nôtres. L'errance Rénaldienne, on va le dire, l'absurde aventure de l'errance Rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change. Avez-vous du petit change? On a de la monnaie, nous autres, là. On a de la... Ben, pourquoi? C'est pour qui, la monnaie? Ben, c'est pour le grand peintre. Oh, mon Dieu, on n'a pas de la monnaie pour monnaie, monsieur. Monnaie. On n'en a pas. Bon, on va repasser. Repassez pas, on n'en a pas. OK, mais on va repasser. Repassez plus, on n'en a plus. Ah, oh, mon Dieu, on repasse pas, oui. Alors, donc, on dit que nous marcherons ensemble. Et là, ça tourne! Attention, wow! Aïe! J'ai comme entendu quelqu'un, il dit « ça tourne ». Mais il a pas dit « ça tourne ». Là, parce qu'on est passé devant un engin des signifiants. C'est ça quand tu fais une émission mobile. C'est trop mobile. Là, il y a des voix, il y a des sons. Puis là, il dit « attention, ça tourne ». Et là, ça tourne. Ben oui, ça tourne. On sait que ça tourne depuis 7-8 ans, cette émission. Là, ça tourne dans l'huile. Là, mon Dieu. Moi, je contiens beaucoup d'huile. Ah, c'est ça. Puis là, arrête-moi ça, puis coupe-moi pas dans mon milieu, parce que je suis quand même assez à l'aise. Ça s'est passé de même. Ben, ça s'est passé de même, parce que lui, il veut pas se taire, puis il dit des choses absurdes, puis nous autres, on n'aime pas ça. On aime se fixer, puis on veut savoir que le public se sent à l'aise là-dedans. Puis lorsqu'il se sent comme défriché, je me sens comme asséché au niveau mental. Ah, ben mais ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est pour ça que je bois beaucoup d'eau. Pour dessécher. Tu dessèches-tu souvent? Si je dessèche souvent, le plus souvent que je peux, et non, je ne peux. Ah, mon Dieu. OK. Alors donc, l'absurde aventure... Et là, ça tourne! Oui. Et on est devant un sérieux hurlu-berlu. Hurlu-berlu, va mal et soleil, j'appelle les soleils, ah oui, t'as le soleil, oui, ta ha. Oh, ah, et Marie-la, sautala, oui, ha, ha, oui, la pola, et j'en ai t'allé pas là. Ah, ne le sait le, ah oui, te lisser l'aile, ah oui, te le sait le, avec la fly à terre, ah oui, c'est le te, oui, ah, oui, hé, hé, oh, ah, oui, ça, oui, ta, oui, ta, ta, oui, te, le, te, le, te, la. Ah, nous marcherons ensemble, nous défricherons le chemin narratif, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant engagé, Rénal de Gagné. Aujourd'hui, là, je prends. Est-ce que j'ai le droit de respirer? Vous avez le droit, monsieur. Vous êtes en phase de respiration. Alors, vous pouvez respirer, merci. Ouais, mais là, les gens qui écoutent, ils vont penser. Ça fait du bien respirer, hein. Ça amène tout le cerveau en mandou. C'est comme si mon cerveau était fonctionnel. C'est impossible. Oui, on dirait que c'est impossible. Mon cerveau. Ah non, c'est pas vrai. Bon. Aujourd'hui, vendredi 22 avril 2011, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons, j'ai un peu d'écume sur le bord de la babine. Et suis-moi ça, mon petit numéro 1, ça paraît mal devant les images caboliques. OK. Alors, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. T'as de l'écume? Ben oui. Je reviens de la mer, moi, là. Ma chanson, c'est comme la mer. Je divague dans les vagues, sous les vagues, des sirènes américaines. Oh, mais quelle horreur, des sirènes américaines. États-uniennes, oui, parce qu'on est quand même, on est d'Amérique. Hein? On est d'Amérique, mais on est pas. Oui, attends, on n'est pas des États-Unis d'Amérique. Vas-tu te briser ici, là, l'éclairage qui va fondre dans quelques secondes? Là, lâche-moi, là. Laissons sur le. C'est la chaise qui bouge tout seul. Ah, on est encore en communication. On n'a pas le. Non, il faut enchaîner avec une chanson, ça fait déjà longtemps. Okay. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Madame, oui, pensez-vous que c'est le temps peut-être de passer une petite chanson avant de lire l'introduction? Ben, si vous faites ça vite, on va faire ça vite. OK, on peut le faire, oui. Alors, vous êtes, nous sommes accompagnés de M. Dreyfus. Dreyfus débute sa carrière cinématographique en 1973 avec plusieurs films signés Michel Audiard. Il collabore ensuite avec quatre autres reprises avec Yves Boisset. Les années 90 et une double collaboration avec le cinéaste Jean-Pierre Jeunet marquent un tournant dans la carrière de Jean-Claude Dreyfus. Dans Délicatessen, voyons, c'est combien sur ces six ou six sont six? C'est six ou six sont six ou six sous, OK. Alors donc, dans Délicatessen, il incarne un inquiétant boucher. Dans La Cité des Enfants Perdus en 94, on le présente sous la forme d'un étonnant dresseur de puces. Revenant à ses premières amours travesties, il endosse en 2009 le rôle de Marie-Pierre Jean-Pierre dans Le Mardi à Monoprix d'Emmanuel Darley. Jean-Claude Dreyfus se démontre encore une fois l'éventail de son répertoire, n'hésitant jamais à incarner des personnages à mille lieues de lui. Maintenant, aussi, M. Dreyfus est un grand amateur de cochons. Les pans en porcelaine, en plastique, en... Si vous voulez lui faire plaisir, envoyez-lui un cochon, mais pas vivant. Alors, merci au départ, cochon pas. Et d'aventure en d'aventure, de train en train, de port en port. Maintenant, laissons la chanson aux chansons et laissons la place à la musique. La lecture que je vais faire de d'Émile Zola avec des musiciens différents, je veux garder cette improvisation et ce côté nouveau à chaque fois. Alors il faut quand même travailler, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis, c'est des lectures plus, c'est des lectures qui sont vivantes et qui donnent une vérité et une fraîcheur et une émotion. Non seulement à celui, c'est moi qui le fait, mais aussi au spectateur, c'est-à-dire une espèce de moment rare, éphémère. Et les lectures, c'est ça. C'est-à-dire, si vous travaillez trop une lecture, ça devient un spectacle. Donc après, c'est une autre entreprise. Et vous aimez les lectures parce que... Ça ne prend pas la tête, il y a un truc qui depuis toujours est une angoisse totale pour moi. Je le fais parce que j'ai joué des grands textes comme Chanteclair, comme Ruy Blas, comme des tas de choses que j'ai joué, comme ce que je joue en ce moment le mardi à Monoprix. Je suis bien obligé d'apprendre, mais c'est une galère totale. Dès que je dois apprendre, c'est-à-dire que je dois apprendre suffisamment pour arriver à oublier tout et trouver cette liberté. Et pour trouver cette liberté, ça demande énormément de temps et de travail. Mais préférez-vous des œuvres qui sont écrites autour de vous ou non, la place à l'improvisation? Aimez-vous improviser? J'aime. Alors c'est très complexe ça. Okay, allons-y. J'aime improviser. J'aime improviser dans le jeu à l'intérieur d'un carcan et d'une chose qui est déjà préétablie. C'est-à-dire avec un texte, un auteur, je ne vais pas changer son. Je vais pas improviser sur Claudel ou sur Emmanuel Darlet. Ouais. Que ce soit des auteurs contemporains ou un auteur plus ancien, je vais être très proche du texte de l'auteur avec le respect du texte de l'auteur. Mais à l'intérieur de ça, et même si la mise en scène est précise parce qu'il y a des lumières, parce qu'il y a une mise en scène, je trouve ma liberté à l'intérieur de ce carcan. cette fois tu lui dis cela. Pas question de laisser passer la maison une autre fois. Par le droit la pêche là me sort toi-même et c'est très bien comme ça. Ça te va comme un gant de boxe. Ça va faire un bac que t'as pas flanché pour un coup de stock. Plique bloqué hop en route pour un autre flop. À l'affût de tout, flash à tout casse, c'est le fada sur le coda, le d'avec ce clona. En lui tout petit, comme un lest confetti, devant son idylle, sa belle Nefertiti. Aïe aïe aïe, voudrais vous faire. Mais ça ne fera que clic. Voudrais vous faire. À bout de l'astoplaste pour le cœur qui mastique la rancœur et le pronostic à saveur d'extrême tension. Ah, ceci n'est pas fiction, vite que la porte s'ouvre. J'essaie de dire ce que je découvre. L'œuf que je couvre me bluffe, son aspect comestible se transforme en combustible. À l'intérieur se cache l'odeur de peur que vous envoie la coquille coquine. Votre cul est sur une mine, votre but est sans échine. Vu du zoom, la situation se complique. Le réflexe du buc flic voudrait vous faire. Mais ça ne fera que clic. Voudrait vous faire. Boum la tête, boum la tête. Mais ça ne fera que clic. Boum la tête, boum la tête. Boum la tête, boum la tête. C'est une voix de gospel qu'on vous appelle. Plastique fondu pour moule à tordu. Recherché pour durcir, pour finir en purée, pour pagayer vers la rechute. Effoiré sur l'océan vers l'incontinent. Chut. Saisissez l'instant qui procure le remède de la cure contre la piqûre. L'intermédiaire court et l'indéfinissable est lourd. Prenez-vous le détour. Le retour, vous voudrez vous faire. Mais ça ne fera que clic. Vous voudrez vous faire. Boum la tête, mais ça ne fera que clic. Là, là, là, ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil. Ah mon Dieu, c'est pas son cercueil. Non, son cercueil, ben, on lui avait demandé, hein, à mon ami Charles, on lui a dit... Charles. Oui. Charles. Oui. C'est toi, Charles. Mais voyons là, ben oui, c'est moi. Voyons, Charles Bukowski. Charles. Oui. Charles. Oui. Allez, arrêtez de dire Charles. Savez-vous, mon ami, que nous pouvons placer dans votre cercueil, votre recueil. Mon recueil dans le cercueil. Votre, oui, effectivement, dans le cercueil. Oui, mon. Non, mon. Hé, hey, vous êtes comme Charles. Oui. Votre recueil. Dans mon cercueil. Ben, si vous voulez. Ben, ouais, mais parce qu'il doit y avoir des moments longs, hein? Des moments longs. Des moments très longs lorsque l'on est couché. On attend quoi quand on est couché dans un cercueil? On n'attend pas la vie. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est passée. Oh! On n'attend pas la mort. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est venue. Mais qu'est-ce qu'on attend? On attend de pourrir. Oh mon Dieu, il faut pourrir à point. Il faut pourrir à point. Alors donc, Mme Tremblay, on va vous donner la recette de la pourriture. Oh mon Dieu. Hey, arrêtez-moi ça, l'écho, là, ça me donne mal aux nervures centrales de l'abdomen silencieuse. Oh mon Dieu. Alors donc, alors la pourriture. Oui, comment on fait la pourriture? C'est très simple. Vous laissez tremper pendant 2 ans et demi, dans une eau tiède, et puis vous placez un glaçon à chaque semaine. Alors donc, il faut un grand bain. Un grand bain, mais pas beaucoup d'eau. Mais la moitié d'eau. La moitié d'eau, le haut, 2 fois plus haut que le bain. 2 fois plus haut que le bain. Alors, eh bien. Alors, elle est bonne. Elle est très bonne. Ah, mon Dieu. Alors donc, vous mettez de l'eau. De l'eau. Tiède. De la glace. Glace. Et ensuite, oui, vous faites saucer la chose. La chose. OK, le cadavre. Comment? Le cadavre. Ouais, c'est ça. Vous faites chauffer. Non, vous laissez tremper. Ah, mais c'est long, ça. Ben oui. Puis là, à un moment donné, vous mettez un conte de Bukowski, le recueil de Bukowski. Oh! Extrait de contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction. Ça sent déjà, hein? Ça sent la blouffe. Oh, mon Dieu. Ça fait plouf. Lorsque vous le déposez, faites-le lentement parce que ça fait plouf. Là, ça met de l'eau partout. Puis, tu es obligé d'éponger. Puis, tu donnes beaucoup de travail pour rien. Ou vous laissez sécher. Comme certaines personnes, hein. Ils vivent tellement longtemps. Ils disent, t'as-tu fini de sécher? Vas-tu casser, toi, là? Hey, on vient te voir à chaque semaine dans ton hospice, là, puis dans ta maison de repos, puis tu te reposes pas mal trop, toi, là. C'est le temps de calancher, mon champion. À chaque fois que je vais te voir, je t'amène une petite boîte de chocolat, là, puis je suis rendu à 250$ de boîte de chocolat. Fait que vas-tu les manger, tes chocolats? Ben, je les mange. Oh, j'aime ça, les chocolats. Mais avec des petites cerises. Des cerises, ça te rappelle ta jeunesse. Est-ce que je peux te parler des petites cerises? Non, on n'a pas le temps. Des petites cerises à qui? Là, ici, mais il est tard, on peut en parler. Non, parlez-en pas en nom de CKRL, la radio communautaire qui a raflé un prix. On veut pas se faire enlever ce prix-là, d'abord. Ça a pris combien de temps à travailler fort? Une année, tous les artisans de CKRL ont collaboré étroitement et avec beaucoup de force et de dignité à élever cette radio. Tu vois pas l'amener dans un marasme? Non, on voudrait pas. Le navire tangue, c'est de ta faute. Oh mon Dieu. Il y a une tempête, c'est de ta faute. Il y a de la neige en hiver, c'est de ta faute. Madame Thibodeau va avoir le cancer, là, c'est de ta faute. Ouvrons la place à mon ami Charles Bukowski avec un de ses extraits de contes. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Alors, le Buck est ici. L'oncle est là-dedans. On brasse l'oncle. Pas l'oncle. Non, l'oncle. L'oncle. L'oncle incarné. On va se reposer un peu. OK, la première phrase, c'est le titre. On va dire la phrase avant. Alors, je devais avoir environ 28 ans à l'époque. C'est à l'époque où on chantait l'amour. C'est à l'époque... Comment ça s'est passé de même? Ben, ça s'est pas encore passé. On l'a pas raconté, madame, monsieur. C'est à l'époque où le monde était heureux. Ça fait longtemps, là. Les gens prenaient pas les journaux, ne faisaient pas de lecture d'un certain quotidien pour se remémorer des mauvaises nouvelles ou pour apprendre de mauvaises nouvelles. Ils s'alimentaient de discussions à droite et à gauche. Madame Tremblay qui rentrait, là, à 2 heures du matin, puis que M. Tremblay, devant sa fenêtre, la regardait entrer chez elle. Puis il disait, comment ça, rentre à cette heure-là? Puis là, le lendemain matin, en allant chercher son petit croissant, avez-vous, madame, elle rentrait à 2 heures du matin? Ben, voyons donc, elle était épuisée, elle zigzaguait. Ben, voyons donc, elle faisait des zigzags, je dirais même pas des zigzags, moi. Puis qu'est-ce que tu dirais? Je dirais des mouvements que j'avais jamais vus avant. Ben voyons, elle était pas fatiguée. Non. Je pense qu'elle était sous l'emprise de Milan. Mais de Milan, voyons donc, tu vois, comment ça, Milan? Non, pas Milan, Satan. Ben, Satan, c'est bien entendu que lorsque je l'ai vu, J'avais pas mis mes lunettes. Bon, ben c'est vous qui zigzaguez. Vous avez de la misère à voir. Vous... Ben moi, je non, ben j'ai de la misère à voir avec et sans mes lunettes, moi. C'est comme mes oreilles. J'entends, puis je comprends ce que je veux, moi. Je regarde et je vois ce que je veux bien voir, moi. Je suis comme tous les citoyens contemporains, moi, là. Je me fais mon imaginaire et je me crée mon monde imaginaire, puis tout ce que je vois, c'est pas ça, là. C'est pas la réalité, parce que la réalité, c'est tout autre. Puis quand c'est tout autre, là, ça nous paraît étrange et bizarre. Puis quand c'est... Là, ça tourne! Ouais, ouais, mais hey, attends un peu, là. On a tourné chez... Oui, chez Mme Tremblay, ça... Lorsqu'elle est rentrée chez elle... Et elle zigzaguait, puis là, on se demandait comment elle va faire pour retrouver sa maison, surtout son appartement, sa porte. Puis surtout, sa porte, c'est le 11. Puis là, je veux dire, elle va voir 111, 2011, puis là, elle va tourner. Puis heureusement que son beau-frère était en Ford Mustang. Puis déjà là, lorsqu'elle marchait, ça zigzaguait. Ah, ça... Pas à peu près, là. Pis, hey, lui, il en a une belle. Ah, une belle quoi? Une belle Ford Mustang. Oh! On se fait des... Langues. En... Ford Mustang. Et... Bang! On embrasse les platanes. Mus. À gauche. Kang. À droite. Et à gauche, à droite. Un essuie-glace, un paquet, cool, un badge avec un inscrit dessus. Keep cool. Une barre de chocolat, un Coca-Cola. On se fait des langues en Ford Mustang et bang. On embrasse. Les platanes, Mus. À gauche, Tang. À droite, et à gauche, à droite. Une bouteille de fluid make-up, un flash, un browning, et un pick-up, un recueil, dead capot, un briquet, Zip. Langue en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Mus. À gauche. Tang. À droite. Et à gauche, à droite. Un numéro de Superman. Un écrou de chez Paco Rabanne. Marilyn. Un tube d'aspirine. On se fait des langues en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Mus. À gauche. Tang. À droite. Lune. Lune, mille lunes, et un seul chemin. Une étoile, et plusieurs routes. Face à la lumière, loin des cauchemars et de la mort, loin de l'humanité et de son urbanité. Ah, tu l'as moffé? Je l'ai manqué. Lune, mille lunes. Et un seul chemin. Étoile, une étoile et plusieurs routes. Face à la lumière, loin des cauchemars et de la mort, loin de l'humanité et de son urbanité. Le titre de la nouvelle de Charles Bukowski avant la chanson de Ford Mustang de Serge Gainsbourg était « Un fameux coup ». Hey, ça a donné un coup, un petit coup, oui. Et maintenant, allons-y avec un nouvel atelier d'improvisation. J'appelle le téléphone. Ah ouais, ben appelle-le. T'as-tu son numéro? Ben oui, mais depuis... Comment ça, ça s'est passé de même? Ben, ça s'est passé de même parce que on s'est dit on va mettre un peu de nouveauté. Ça crée un peu de gaieté. Et la gaieté, ça ne se passe pas uniquement à Montparnasse. Gaieté, Montparnasse. Les gens comprennent pas. Gaieté, Montparnasse. Comment ça, il y a beaucoup de gaieté à Montparnasse? Ben oui, Gaieté, Montparnasse. Montparnasse. J'appelle le téléphone. Téléphone. Le téléphone pleure quand il ne sonne pas, et quand le vent en vend vers d'autres chemins. Ah, ah, ah, ah, le téléphone, ça n'a rien à voir. J'appelle le téléphone, appelle-le, allô? Téléphone? Jean-Louis Aubert? Les gens comprennent pas parce que le groupe de téléphone, Jean-Louis Aubert. J'appelle le téléphone pour ce numéro d'improvisation. Utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Les gens comprennent pas, il y a de l'écho. J'appelle le téléphone pour ce numéro d'improvisation. Utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité. Là, à cet instant, nous rejoignons la mère, A-M-E-R. Alors, est-ce qu'on a le téléphone pour rejoindre? Avez-vous senti 2 secondes de repos? Ben oui, là, je me demandais... Il trouvait plus le téléphone? Non, je trouvais plus la mère. La mère. Non, pas cette amère-là. Non. C'est pas la mère. L'eau, là, c'est amère. Tu sais, un goût amère. Amère-tu le numéro dans le téléphone, là? Ben, on va le mettre, là. C'est quoi? On va le mettre. On aime ça mettre, nous. Ah, non. On en met régulièrement des amères, nous. Ah, des amertumes, il y en a. OK, allô. Avant de dire allô, compose, mon champion, oui. La mère, allô la mère, on va appeler la mère. T'as-tu le numéro de la mère, nous, dans la caméra? Ah oui. Oui. C'est ton téléphone, ça? Oui. C'est pas un téléphone, ça? Oui. Ok, on téléphone, ok. La mère! Hey, ça donne mal au cœur. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ah, hey, amère, dis-moi, ma chère amère, comment tu te sens, toi, comme mot qui représente quelque chose d'un peu incertain? Hein? C'est comme un trouble, hein? L'amère, c'est... Je sais pas, on se sent pas bien. J'ai fini ma liaison, puis tout ça était, à mes yeux, amer. Hein? J'ai goûté un fruit, puis ça me semblait amer. Qu'est-ce que c'est le trouble, là. C'est le milieu, c'est quelque chose qui est pas vraiment bon, pas vraiment pas bon, pas beau, pas laid, mais c'est le milieu, là. Moi, je me sens ambivalent dans le milieu, toi. Hein. Toi, la mère, comment tu te sens? Ah non, tu parles pas, la mère, mais non, t'es au téléphone, là. Ouais, dis-moi, ouais. OK. Mais pourquoi tu voulais parler, là? Il y a eu un problème. OK, c'était la technique. J'espère que t'es pas à ma... OK. Ouais. Mais... Ouais. OK. Ouais. Mais là, parce que nous, on a le budget juste dans un... Ouais, ben on appelle dans la cathédrale de l'amertume. Oui. OK. Ouais. Ouais. Mais là, les... Ouais. OK. Ouais. Hey. Là, c'est... c'est excellent. Oui. La... Oui. OK. Bon. Moi, je comprends. Non, mais je voulais pas... Est-ce que tu me pardonnes? Ouais, mais c'est... ouais, mais tu sais que moi... OK. Ouais, mais là, je veux pas... Je veux pas que ça s'arrête comme ça. Ouais. Ben là, c'est... Amère? OK. Oui, oui, attends, là. Avant de raccrocher, là, je tiens à dire que c'est une mission... Oui, ben, mon émission, c'est humoristique. Mais, ben, pas toujours. OK. Ouais, mais là, on se laisse sur une note un peu... OK. Bon. Ouais. Ben, parfait. Ben, je comprends. Ben, on peut pas faire autrement, hein? OK. Bon. Ben, j'amènerai plus ce mot-là parce que ça... Ça te plaît pas, hein? Mm-hmm. Ouais. Là, les gens, ça... Ils savent pas ce que tu... OK. Ben, c'est mieux comme... Je peux pas rire, hein? Non. OK. Bon. Ben, merci. Puis, hey, en passant, là, t'as fait partie de ma première rencontre, hein? J'espère que t'es pas trop amer de... Oui. Ben oui, OK. Ouais. Ben merci, hein. Salut. Nous sommes des nains de 1m80. Nous sommes des nains. Entourés d'autres nains de New York à Pékin, nous sommes des nains. On a quitté les marécages y a pas très longtemps. 1m50 au Moyen-Âge, on n'était pas des géants. On sort à peine de l'âge du fer néandertal du computer. On est encore débutants, sifflés en travaillant. Nous sommes des nains de 1m80. Nous sommes des nains, pas plus gros que des grains, mais plus grands que moyens. Nous sommes des nains. On coloriait des fresques, maintenant c'est du papier peint. On perd nos dents de sagesse et on est qu'à mi-chemin. On n'a plus de fourrure et on met des chaussures. Progrès tous azimuts, gargantua ou lilliput, ça se discute. Nous sommes des nains de 1m80, nous sommes des nains. Si on se serre les coudes comme les frères Hippolyte, en gueulant Johnny Bigood, peut-être qu'on ira un peu plus loin. Nous ne sommes que des nains, nous ne sommes que des nains. Qu'est-ce que disait Darwin déjà? En regardant une fourmi traverser le Canada. Nous sommes au grand lama, ce que le bonsaï est au séquoia. Et quand on avait une queue à la place du coccyx, il faut demander à Desmond Maurice. Je ne suis qu'un nain de 1m80. Je ne suis qu'un nain. Avant de devenir grand comme un diplodocus, encore le temps, je suis encore tout minus. Je ne suis qu'un nain de 1m80. Je ne suis qu'un nain de 1m80. Pas de panique, pas de panique. La fin n'est pas pour demain. Nous ne sommes que des nains. Pas de panique, pas de panique. La fin n'est pas pour demain. Nous ne sommes que des nains. improvisation secrète où, à quel endroit? C'est une improvisation secrète. Interne. Interne, à absolument. De vous. Ce qui veut dire que quand je joue une pièce, et ça n'est pas prétentieux, c'est simplement une volonté, et c'est concret. Il y a des gens qui viennent des fois 3, 4, 5 fois voir la même pièce, parce que tout d'un coup, c'est jamais pareil. Oui. Tout en étant effectivement les mêmes mots, le même costume, les mêmes partenaires, mais l'ambiance, c'est pas la même, la même mise en scène. Le public mais n'est pas le même. L'improvisation, elle est plus, on va dire, elle est plus fine qu'une improvisation. C'est pas une ligue d'improvisation. Non, c'est pas l'Hélénie. C'est vraiment des interprétations qui sont toujours quand même sans s'éloigner de ce que l'on a décidé, dirigé, mais qui sont chaque fois différentes. Okay. Je veux dire, demain, je suis un peu plus vieux. Demain, j'ai des problèmes. Demain, je suis amoureux. Demain, je suis amoureux. Demain, tout d'un coup, j'ai oublié de manger. Okay. Donc, je vis avec le moment qui se passe. C'est comme ça que je peux jouer une pièce 2, 3, 4, 500 fois, mais je ne m'ennuie jamais. La pièce la plus longue que vous avez faite? Si je ne m'ennuie jamais, le public ne va pas s'ennuyer non plus. Normalement, en principe. Si vous vous sentez à l'aise dans un rôle, les pièces que j'ai jouées le plus, c'était peut-être 500 fois, que ce soit à Paris ou en tournée. Ça, c'est 2 ans? Oui, en général, ça peut durer 2 ans. Ouais. Quand ça marche, hein, quand le public est là. Hein. Oh, oui, mais alors à la fin, vous n'avez plus de problème, comme vous me disiez tout à l'heure? J'ai toujours des problèmes. Ah oui, ok. J'ai à l'origine, vous avez des problèmes. Mais oui, parce que j'ai un système de cérébral, okay, oui. qui est là, c'est pour ça que je vous dis, je vais passer un mois et demi à répéter la pièce que j'ai déjà jouée au moins 200 fois. Petite bouffe, petite vaisselle, il mange sans rien dire. Petite manie, chaque geste, chaque bruit, ils s'entendent bouger. Ils se connaissent par cœur, ils se couchent quand ils veulent. Ou de bonne ou de mauvaise humeur, ils se réveillent tout seuls. Célibataire, capitonné, célibataire, habitué, célibataire, au singulier. Écoutent de la musique en même temps qu'ils cogitent. Ils s'offrent un grand voyage pendant leurs petites vacances. Ils sont souvent dehors, mais il y a ces jours austères, ils trouvent pas de partenaire et c'est tout un mystère. Comment faire connaissance sans tuer l'indépendance? Sont souvent susceptibles. Célibataire, capitonné, célibataire, habitué, célibataire, au singulier. Et celles qui passent pour dire bonsoir sont seulement des copines. Et celles qui les fascinent paralysent leurs aveux, inaccessibles ou comme eux. Ils trouvent pas la manière de franchir la barrière comme une mouche dans un verre. Personne les corrige, personne ne les dirige, ils se débrouillent avec la vie. Célibataire, capitonné, célibataire, habitué, célibataire, au singulier. Célibataire, célibataire, célibataire, célibataire. Célibataire. Bye. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Y'a des filles sur le port, si belles et si gentilles, tout sourire au dehors, sentons la vanille. Et ton homme n'est pas de bois, il les regarde d'un œil tendre. Si tu veux le garder pour toi, donne, donne-lui sans attendre. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac, oui, mais surtout du rhum, mon Dieu. Non, mais tu verras comme il t'aimera. Il donnera des bijoux, tu verras. Des colliers qui scintillent, tu verras. Qu'il ramène du Pérou, tu verras. De Cuba, des Antilles, tu verras. Mais pour te donner de l'amour, ah, oui. Faut qu'il se repose du voyage avant de lui offrir à ton tour tous les trésors de ton corsage. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Tout le temps de rhum. Quelle nuit que cette nuit-là, oh là là, on en perd dans la ville. Même mon éclairera sa tendresse virile. Car pour l'heure il est fatigué, il sombre dans la somnolence. Dès que tu l'auras réveillé, si tu veux que ça recommence. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Et du poivre de Cayenne, mon gars. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Attends. Le dernier couplet, on l'a composé en Corse. Ok, en Corse, oh là là. Oui. Quand il va repartir, te laissant pauvre fille, seule avec le souvenir et le collier de pacotille, au moment de vous séparer, pour des mois de longues semaines, donne-nous bien sûr des baisers. Mais si tu veux. Si tu veux, si tu veux, qu'ils te reviennent. Ah, qu'ils te reviennent, les temps de l'amour. Mais si tu veux, mais si tu veux, mon qu'ils George te reviennent. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Oh yeah! Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme. Mamétèque. Oh, le grand succès de Georges. Tout le monde attendait. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Oui, j'ai décroché aussi, monsieur Georges. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. J'avais ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. C'est déjà plein au purgatoire, mon Georges. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. C'est le vent qui nous amène. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. De 22, Chloé 22. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Oui, l'éternité se confond dans l'amour. Que nous vivrons à en mourir. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, il s'est passé quelque chose, hein? Ben oui. Nous mâcherons, squeezerons. Ben, vous l'avez senti, mais. Mais il me semble que c'est en train de brûler. Ben, voyons donc. C'est impossible, ça peut pas. On met ça à feu doux. Oh mon doux. Doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui doui. Cette semaine, et ça, jusqu'au épuisement du concept, épuis-je, ma Georgette, épuis-je. J'épuis, j'ai plus 35 ans. Alors, épuis-je, oui. Et jusqu'à bientôt, nous mâcherons, squeezerons, et squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots sur celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe givrer. Oh, mon doux. Givrer. 1, 2, 3, 4. Givrer. Un de givrer. Ça, là, quand tout est trop givré, on voit plus clair. Donc, il faut doser la naissance de la givre. Et comment faire? Ben, pour la condenser, pour la contrôler, pour l'amener à des proportions normative, comme la société nous exige depuis plusieurs années, car nous sommes quand même dans quelque chose d'assez concret et même, malheureusement, totalitaire. Hein, voyons donc. La société est totalitaire. Totalitaire. Toto. On va demander à Toto. Toto, es-tu totalitaire, mon Toto? Avez-vous froid le givré? Non, mais si. Première, est-ce qu'on a froid le givré? Madame Tremblay, avez-vous froid? Mais moi, je suis pas givré, hein? Non? Jean-Claude? Oui, mais. Un tantinet, mais je crois que Jean-Marc a ouvert la porte. Ouvert la fenêtre, ouvert le toit, puis ouvert l'imaginaire, puis ça donne de l'air. Quand ça donne de l'air, ben ça givre un peu, mais avez-vous froid, c'est vrai? Ben attendez, on va répondre, là. On demande à tout le monde s'ils ont froid, puis on sait pas encore. On analyse. Rénal, oui. Nanal, ça va bien? Oui, hey. Je pense que je participe pour la première fois à mon émission. Oh! T'as été invité? Ben, merci de m'inviter à mon émission. Comment ça, là, depuis 1h10, on m'a pas amené au micro? Ben là, on t'avait mentionné que l'émission était commencée. Ben voyons, j'ai jamais entendu ça, moi, là. Je parlais avec Geneviève, avec Chloé, avec Maryse, avec Myriam, puis avec Tania, qui est partie aux toilettes parce qu'elle peut pas m'entendre. Elle est pas capable de m'entendre. Elle trouve que j'ai une voix désagréable. Ouais, c'est normal. Oui. Puis elle trouve aussi que je suis désagréable. Mais elle a aussi une certaine façon de voir la vie. Elle a tout à fait raison. Mais moi, je me dis... Oh, merci. C'est pas ça que je voulais dire. Mais je me dis que quand même, je me contrôle et quand je m'imagine que l'autre se sent mal à l'aise, je réagis autrement, c'est-à-dire que j'amène une autre façon une autre facette de ma personnalité. Ouais, mais t'en as pas de facette. Ben voyons, regarde les joues, là. Ah, j'en ai deux. Ah, t'as deux facettes. Mais vous voulez ma mort? Je suis en train d'agoniser. Ben voyons donc, premièrement, là, c'est... c'est qui cette chose étrange venue d'ailleurs? On analyse. Mais vous voulez ma mort? Je suis en train d'agoniser. T'agonises? Tu es livré si t'agonises. Monsieur, on n'avait pas prévu toutes ces anomalies narratives, et puis on sait pas quoi faire avec ça. On les place tout dans un sac à ordures. Mais vous voulez ma mort? Je suis en train d'agoniser. Ben là, arrête d'agoniser et fais quelque chose. Je ne peux plus supporter la torture que vous me faites subir. Ben là, errance rénaldienne, là, c'est pas une torture. Premièrement, là, c'est une... Je ne peux plus supporter la torture que vous me faites subir. Ça, arrête de le dire. On le sait, on a compris, on n'est pas des idiots. Dostoïevski, on l'a lu trois fois, le premier et le deuxième tome, mais à l'envers, parce qu'on trouvait ça trop plausible, puis on voulait se rassasier l'imaginaire dans une autre structure intellectuelle. Donc, on était un peu givré. Mais vous voulez ma mort? Je suis en train d'agoniser. Oui. Penses-tu que t'es le seul à agoniser, toi? Je ne peux plus supporter la torture que vous me faites subir. Premièrement, la torture, là. T'as-tu déjà été en large... T'as-tu déjà arrêté? T'es-tu un journaliste, toi, là, italien, qui t'est fait... Es-tu mort, toi, là? Premièrement, là, je pense qu'il t'entend pas parce qu'il est sourd d'oreille. Il est pas juste sourd d'oreille. Hey, as-tu déjà été un journaliste italien? T'es-tu déjà fait tuer, toi, là, en faisant ton travail? On peut pas y parler. Vous voulez ma mort, hein? Vous allez la voir. Avoir quoi, là? Hey, est-ce que c'est des menaces? Est-ce qu'on peut appeler la police? Non. Mais vous voulez ma mort? Je suis en train d'agoniser. Ben, agonise, puis on t'attend au retour, puis ça nous dérange pas. On a des petites boîtes en conserve. On va te placer là-dedans. Puis surtout, Mme Tremblay s'est procuré un couvre... Comment vous appelez ça, là? Un couvre-canette. Un couvre-canne. Un couvre-canne. Un couvre-canne de conserve. Un couvre-canne de conserve. Ben, OK, alors donc, on sait pas. Je ne peux plus supporter la torture que vous me faites subir. Je suis pas capable de subir le difficile et l'inutile. Le tour de l'île, quand c'est pas givré, je crois que je vais m'y attarder. Trop de rénalité. C'est un peu plus de singularité. Vous voulez ma mort, hein? Vous allez la voir. Mais je crois que mon petit champion, t'es déjà en dehors des sentiers battus. Je vous le répète, frère Vitré, vous m'enfermez dans un rôle. Il faut que je fasse rire en permanence. Soyez gentil, Vitré. Offrez-moi un rôle dramatique pour une fois. Je savais que nous tomberions d'accord. Merci, parce que vous avez justement sur moi un formidable scénario qui va vous plaire. Venez voir comment ça commence. Ah oui, page 1. Page 1. Fin. La page 1, c'est la fin. Alors, on vous demanderait de quitter, monsieur. Le premier mien, les canards, là. On les aime bien en haut, on les aime bien sur l'eau. Est-ce que ça vole des canards? Ben oui, y en a, ça vole des canards. Et tu poses la question, est-ce que ça vole des canards? Ben moi, je... Moi, je suis pas très naturiste, moi, là, je suis... Voyons donc, c'est pas naturiste, c'est une connaissance générale. Est-ce que des canards, ça vole? Ce canard-là, là, j'ai jamais vu voler. Ben, moi, à 5e épisode, 8e épisode et 12e épisode, il volait. Il volait vers la réussite. Puis c'est pour ça qu'il nous demande aujourd'hui de faire ce qu'il veut. Il veut... Mais vous voulez ma mort? Oui. Je suis en train d'agoniser. Oui. Je ne peux plus supporter la torture que vous me faites subir. D'accord. Vous voulez ma mort, hein? Vous allez la voir. OK. Je vous le répète, frère Vitré, vous m'enfermez dans un rôle. On il faut pas. Que je fasse frire en permanence. C'est bon. Soyez gentil, Vitré. Offrez-moi un rôle dramatique pour une fois. Je savais que nous tomberions d'accord. Oui. Merci, parce que vous avez justement sur moi un formidable scénario qui va vous plaire. Et venons voir comment ça commence. Ah oui, pape. I take a boom. Non, parce que c'est extrêmement précis dans le texte d'Emmanuel Darley, et c'est, si jamais j'ai un trou, je me débrouille. Hein? Mais, et puis, extrêmement précis avec la musique aussi, qui a une partition. C'est une vraie partition à deux aussi. Donc il n'y a pas tellement la place à... Ça m'est arrivé d'avoir des trous, et puis il y a Philippe Thibault qui me regarde, puis bon, il va s'arranger, comme quand si j'ai un trou en chantant, bah, le musicien il va se démerder pour me suivre. Hein. Mais disons que le principe est plus d'essayer de faire ce que l'on a décidé, et à l'intérieur de ce que j'ai décidé avec le metteur en scène, ensemble tous, c'est de trouver ma liberté. Okay. C'est très subtil. Ah oui, mais c'est bien. Mais c'est vraiment comme ça que j'envisage les choses. Et vous, c'est de vous sentir à l'aise avec le texte, avec de me sentir avec mes jambes, avec mon corps, avec ma tête, avec ma perruque, avec mes talons aiguilles, avec mes talons aiguilles. Est-ce qu'on s'habitue? Est-ce que vous comprenez les femmes aujourd'hui? Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas les femmes qui marchent avec des talons aiguilles comme des charretiers. Parce que moi, qui fais quand même 115 kilos, je marche d'une façon extrêmement légère avec des talons. Mais ça, c'est de la pratique. C'est normal. Avez-vous déjà joué le jeu de vous promener en femme à Pigalle? Non. N'oserez jamais. Un caméraman loin. Je vais pas oser. Je suis capable de tout. Mais c'est que ça m'intéresse pas trop, quoi, de vous exhiber. Ouais, c'est du théâtre. Yeah, I agree. I got to wear a hat that my baby done sold me. Woo! Je vous présente Raoul Duguay. De ta production aussi exceptionnelle. Tu es mon ami devant l'éternel. Et puis voici un texte qui est de mon cru. J'espère que tu ne seras pas aussi... Aussi quoi, donc? Aussi haut que moi. Ben voyons donc, il peut pas être... Toi, t'es très bas, ouais. C'est vrai, Raoul. T'es plus haut que moi. Parce que tu es... Je suis très là. Très là dans le... Dans le là. Dans le là, là. Do, ré, mi, fa, sol, la. Do, ré, mi, fa, sol, la, la. La, si, do. Do. Do, ré, mi. Ouais, mais c'est là, là. Do, ré, mi, fa, sol, la. C'est là, c'est Raoul, là. Non, c'est Raoul Duguay. Mais toi, tu es Do, ré, mi, fa, sol, la. En tout cas, regardez-le. Seul. Ivre. Vivre. Au marché. Se diriger vers son semblable pour lui offrir de l'humanité à volonté. L'heure a maintenant sonné. Devenons pour l'instant d'un numéro d'improvisation un fil Ariane entre l'esprit d'un animal, un artiste ou tout autre spectre qui passa sur cette sphère, ce macrocosme que l'on nomme la Terre. Et ça, j'aime bien cette chanson de mon ami Léo. Elle est belle et s'appelle la Terre. Ce serait bien de la faire jouer avant la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut la chercher? On tentera de la trouver. Ah, mais moi, tenter, c'est... ben là, je cherche. Où est mon coffret de... Attendez, le coffret est très loin. On sait pas où on voit le coffret. En tout cas, nous tenterons. Nous tenterons dans le plus grand de nos possibilités. Ils sont réduites. OK, ils sont très réduites. Mais là, les gens comprennent plus ce que tu vas faire comme introduction. L'heure a maintenant sonné. Devenons pour l'instant d'un numéro d'improvisation un fil Ariane entre l'esprit d'un animal, un artiste ou tout autre spectre qui passa sur cette sphère, ce macrocosme que l'on nomme la Terre. Et c'est là, elle est belle, elle s'appelle la Terre. Elle est belle, elle se fout bien de la misère. Elle se fout un jamache américain. Elle est belle et on appelle la musique. Ah. Alors, le spectre, c'est Annie Girardot. Oui, Annie Girardot qui nous a quittés depuis quelques semaines. Oh, Annie Girardot! Avons-nous un nom aussi prestigieux à endosser? Non, c'est une actrice sublime. Moi, je me rappelle... Ah, on veut pas savoir de ce que tu rappelles? Non, j'ai pas dit ce que je rappelle. Elle me rappelle. Elle te rappelle? Elle me rappelle le cinéma français aussi comique et accessible que dramatique et singulier. C'est une actrice qui, ici au Québec... n'a pas eu la cote puisqu'elle s'est présentée dans un jour qui lui a été... Je suis sûr qu'on lui a dit que c'était comme ça ici, au Québec. Et ben les gens, les Québécois, l'ont pas trop apprécié, plusieurs, certains, enfin. Et ben moi, je l'adore et puis ben je lui lève mon chapeau. Mais voyons donc, est-ce qu'on peut communiquer avec le chapeau? Le chapeau de Annie? Ben voyons donc, oui, allons-y donc. OK, le chapeau d'Annie, premièrement, on n'a pas... Arrête de dire la première. Allô? Allô? Le chapeau d'Annie? Oh mon Dieu, Annie? Non, pas Annie, mais le chapeau. Sors de ce chapeau, Annie. Ah, Annie, mon Annie, choumani mini. Oh, Annie, non, Annie, choumani mini. Roi, roi, roi, mais roi, la, roi. Non, mais il n'y a pas de chapeau, puis oui, oui, on a un. Est-ce qu'on peut faire le tour? Parce que notre émission manque de... On n'a pas de maudite... On n'a pas une scène. On cherche des sous. Ben voilà, on parle d'Annie Girardot. Il y a le chapeau d'Annie Girardot aussi. Si vous l'aimez, ben là, tu fais de l'opportunisme. Voyons donc. Je le connais pas, lui. Qui ça, opportuniste? Oh, ben non, c'est le frère de... C'est le frère du gars qui essaie de chercher des solutions trop rapides dans sa faveur. C'est-tu ça, un opportuniste? As-tu le dictionnaire, madame? Opportuniste. Comment ça s'écrit, opportuniste? Ben, c'est opopo, opopo. Avez-vous le opopo, opopo? Comment? Opopo, opopo, opopo, opportuniste. Voyons donc, t'es-tu en train de dégueuler le dictionnaire? Non. Mais opportuniste, c'est opopo. Ben ouais, opopo, opo. Opo, Girardo, s'il vous plaît, on demanderait à Annie Girardo de venir ici. Elle peut pas. Elle est occupée parce qu'elle joue un rôle avec... je peux pas dévoiler le secret, mais en haut, là, c'est plus du HD. Là. Et ils sont plus... Et savez-vous pourquoi ils ont enlevé tous les haut-parleurs au ciel? Ben voyons, on la connaît. Ouais. C'est parce que Jésus crie. Oh, c'est... Bravo. Bravo, c'est merveilleux. On te donne deux morceaux de robot, puis t'es aussi capable. M'entends-tu? Oui. Je suis tombé au fond du micro, là. Oui. Annie? Non, mais c'est pas Annie. C'est. Attendez, là. On oublie tout ça, là. Annie Girardeau, merci, on te remercie. Puis là, il y a quelqu'un qui. M'entends-tu? Oui. Je suis tombé au fond du micro, là. OK. OK. À quel endroit? Là, je. OK. Sortez-moi oui. de là, bon Dieu, mais. On L'émission y va. L'émission est terminée, moi je suis resté dedans. Oui. Il y a quelqu'un là? Oui, je suis là. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est non, pas non. vrai. Hey, attends. Ils m'ont laissé dans la machine. On t'a pas. Non, non, mais on va. Oui, oui, oui. Errance Renaldienne est ici. Là. C'est l'émission de variété indépendante francophone. Mais vous, à CKRL, le 89.1, la radio des découvertes, la merveilleuse radio que l'on remercie à chaque instant de nous diffuser parce qu'elle est la meilleure source de notre diffusion actuelle et à venir. Pourquoi? Parce qu'elle est audacieuse, monsieur. Si vous êtes pris dans ce micro, parce que vous êtes encore là-dedans. Hein? M'entends-tu? Oui, je t'entends. Je suis tombé au fond oui. du micro, là. Oui, mais attends, là, c'est le micro de CKRL, le 89.1, hein? Oui. Bon. Sortez-moi de là, bon Dieu, mais... Oui. L'émission est terminée, moi, je suis resté dedans. Premièrement, l'émission n'est pas terminée. Alors, on va vous laisser à l'intérieur parce que vous êtes intéressant, là. Vous êtes comme dans un mal de... On va expliquer un peu le concept. On a un mal de tête. Incroyable. Mais au moins, on est heureux de savoir que l'on en possède une. Alors, on la garde, là. On la garde, là, cette douleur intense parce qu'on veut pas la quitter. J'en ai une tête, hein. Toi qui m'as dit que j'en étais débloqué ou qu'elle était perdue, et là, puis elle fait mal. C'est comme ça qu'on reconnaît l'animal. C'est l'ambulance. C'est la police. J'ai pas de mi-fa sur la place, pas de flanc. Pas de mafia, pas de posse, pas de clan. Le clan oblige avant d'être debout. D'être une chose qui s'apparente au loup. J'ai pas de calibre et au jeu d'épaule. Comme à tous les jeux, je vaux pas un crayon. Et si je suis pas côté bad boy, j'ai pas de tampon au milieu du front. Je vous renvoie à la page sans ordinaire. Y'a le bonhomme derrière, y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière, y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. J'ai paniqué de hell ni la police. Et j'en pique pourtant pas pour le képi. Laisse rincer à la vitesse des hélices. Que je les fume. Je suis pas de ceux qui voient rouge à tous les jurons. Je chambre toutes les filles, vous le diront. Je les appelle pas autrement que par leur prénom. Je le répète sur tous les tons. Et si c'est pas le cas, je fais marche arrière. Car y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. J'ai pas de place, pas de doute, pas de culte. Pas même un doigt qui se lève quand on m'insulte. Je valais tout ce qui me semble futile. Qui s'apparente à la quête du nombril. J'aime douter, quasi jamais être sûr. J'hésite donc, je suis et puis j'assure. J'ai pas de haine, même né dans la banlieue. Moi c'est des larmes qui me coulent de mes yeux. C'est pour ma mère que je fais pas de manière. Y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. Y'a le bonhomme derrière. J'ai joué il y a quoi, 7-8 ans, 10 ans, je ne sais plus, 9 ans peut-être. J'ai joué un truc d'Amélie Nothomb. Vous voyez qui est Amélie Nothomb? Qui s'appelle L'hygiène de l'assassin. Oui. Et là, je faisais dans L'hygiène de l'assassin Prétexte à tâche, hein, qui est le personnage monstrueux de, qui est le prix Nobel. J'avais 83 ans. J'avais 83 ans. Okay. Hein. J'étais imberbe et obèse. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas américain, cher monsieur. Donc, comme je ne suis pas américain, je n'ai pas grossi pour le rôle. Okay. J'avais fait faire une prothèse avec un beau ventre en latex. Très beau. Hein. J'étais nu sous un espèce de peignoir. Et au bout de 2-3 mois, j'ai enlevé la prothèse parce que c'est le rôle, lui, qui m'a fait grossir. C'est toute la subtilité et la différence que je peux avoir avec beaucoup d'autres. Okay. Et d'une certaine façon, je ne me suis jamais promené, sauf que une fois que j'avais gagné 35 kilos, j'étais bien obligé de me promener dans la rue avec mes 35 kilos. Mais je ne me promenais pas avec prétexte attache dans la rue, ni avec Marie-Pierre dans ma pièce que je joue en ce moment. Donc ça reste du travestissement de toute façon, et du déguisement et du théâtre de toutes les manières. Donc dans la vie, oui, je suis habillé n'importe comment, normalement. Et puis surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment, le plus léger possible. Et je n'ai pas mis une petite robe en Vichy. Quoique, bon, on ne vous voit pas. On pourrait croire. On pourrait croire, oui. On va laisser planer le doute si vous êtes d'accord. Si ça peut faire fabuler quelques auditeurs québécois. Mais ça fait fabuler, vous savez, les hommes, même les hétéros, tout ce qui est travesti, transsexuel et tout, ça les excite. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être ce qui est caché, ce qui n'est pas... Oui, je ne sais pas. Mais... Il était doux, il était ja, il était jean. Voici l'histoire de celui qui portait pas de jean, mais des tissus bariolés de l'Afrique, des cymbales et de plastique. Il vivait là, au milieu des bâtiments, et racontait à tue-tête des boniments l'histoire d'un pays qui raconte aux enfants que c'est nous les méchants, c'est nous les plus méchants. Il disait c'est un pays où t'es libre, en gros, enfin selon la couleur de ton chapeau. Un pays qui veut nous protéger des malheurs, il veut être le gendarme, c'est nous les voleurs. L'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, humaine, humaine. Et j'ai 7 ou 8 langues dans ma bouche. Si j'en avais que 2, ils trouveraient ça louche. Mais c'est qui nous ferait manger du sablé? Comment dit-on farine animal en anglais? On mangeait tout, et comme eux à ce train, on sera plus que des poules qui piquent en sacrin. On était quoi avant qu'ils se ramènent? Ben on savait ce qu'était qu'une semaine. Un week-end, un 1er mai ou des vacances, ils nous font marcher sur la tête, et quand ils pensent, ils ont la tête, ils ont la tête, la plus honnête, mais méfie-toi, c'est le képi de la planète. L'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, humaine, humaine. Je vous le dis, ils sont dedans. Mon peuple à moi a bien plus de 1000 ans. Mon nom n'a pas pris une ride, il a sa trace gravée dans les pyramides. Avant qu'ils se ramènent ou qu'ils nous crèvent, avant qu'ils nous pompent l'oxygène et la sève. Au nom des thunes, au nom du fils, au nom du Nasdaq, au nom du bénéfice. Nous on savait que si la thune a pas d'odeur, pas la sentir, c'est passé un mauvais quart d'heure. Elle disait ça, cette face de paumée, en chantant comme Falamé, comme Falamé. L'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, humaine, humaine. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine.

laisser tous les messages. Ils disent qu'ils ont compris qu'il n'y a plus le choix, que l'esprit qui souffle guidera leur pas. Qu'arrive le dernier temps où nous pourrons parler. Ah. Alors soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. L'errance est en faveur de la réhabilitation. La réhabilitation de Bertrand Cantat. Nous voulons que les artistes demeurent vivants. Ils ont payé de leur faute. Ils sont à l'extérieur. Donnons-leur la chance d'explorer d'autres avenues. Et bien sûr, s'ils manquent à notre confiance, eh bien là, après deux, il n'y a plus d'excuses. Mais Bertrand Cantat n'est qu'à sa première faute. Un humain, le genre humain, est-il infaillible? D'après vous, n'importe qui, dans les moments difficiles, peut flancher. We'll be right back. comme ça que je te reconnais, même s'il vaut beaucoup mieux pour toi que tu trembles un peu moins que moi. Emmène-moi, emmène-moi, on doit pouvoir se rendre écarlate, même si on précipite, on devrait voir Wildland, Wildhead. Je sais par exemple que il y a plein de, par exemple des je me souviens quand j'avais joué dans Bent. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez de Bent. Oui. Oui. Et je faisais dans Bent Greta. Okay. Je faisais Greta, c'est-à-dire l'espèce de salope qui faisait de la délation. Et donc toute la première partie de j'étais en femme. Mais c'était un homme qui se mettait en femme dans un travesti et qui était un vrai salopard en fait. Et je me baladais, j'avais une robe qui descendait assez bas dans le dos. J'étais plus mince qu'aujourd'hui, hein. J'étais plus frêle, un peu plus frêle, mais quand même un peu musclé. Et j'avais des talons, mais j'avais pas de bas. Je faisais comme je fais dans la pièce là, je fais un trait au crayon comme les femmes faisaient pendant la guerre. Et comme j'ai des poils aux jambes un peu, donc on a l'impression que j'ai des bas en soie. Okay. Et les pompiers, il y avait les pompiers dans les théâtres, ils me couraient après. Et en plus j'avais une espèce de poitrine que je faisais avec des ballons pleins de d'eau. À la gaga. Et ça bougeait, hein, ça bougeait bien comme il fallait. Oh, et ça excitait tous les pompiers. C'était synchrone. Voilà. Et puis, êtes-vous heureux de votre chemin artistique depuis? Ah oui, je suis très... Il n'y a pas, vous savez, dans ma petite vie, et tout ce que j'ai fait, je ne renie pas, même si c'est parfois un mauvais film, ça peut arriver, hein, d'être dans un film qui n'a pas réussi. Mais au théâtre, en tout cas, je n'ai jamais fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Et les deux ou trois fois ça m'est arrivé dans ma vie, d'être avec vraiment des connards. Je parle en général de l'entreprise, du metteur en scène. Ça m'est arrivé par trois fois, je suis parti. Et je trouve beaucoup plus professionnel de partir. Je ne citerai pas les noms des gens avec qui je suis parti, qui n'existent d'ailleurs presque plus. On s'en fout. Mais je suis parti parce que je trouvais que c'était préférable pour ma santé de partir que de rester au théâtre pendant 6 mois avec des gens qui ne me conviennent pas. Qui ne comprennent pas votre... Oui, puis qui sont des voleurs et qui vous font, et c'est mon terme, débander. We'll be right back.